à travers l'idée d'autogestion. Il faudra aussi interroger les outils juridiques, pas seulement juridiques, mais aussi juridiques, que sont les SCOP, en tout cas Maxime en parlera. Je ne sais pas s'il sera question en fait des SIC. Je l'avais mis initialement dans la présentation parce que je pensais peut-être travailler là-dessus, mais en réalité, voilà, moi personnellement, je travaillerai sur Barcelone, donc la question des SIC sera peut-être pas présente, mais en tout cas, la question des outils juridiques aussi dans l'appropriation du travail pourra être posée. Et puis, c'est aussi la question de savoir est-ce qu'il s'agit simplement d'une politisation liée aux formes d'organisation du travail, liée à une critique de l'exploitation du travail. Est-ce que ce type de problématique un peu classique suffisent à poser le problème d'une utopie de la coopération? Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi à considérer des formes de politisation, comme dirait Alexis, plus transverses, c'est-à-dire liées à ce qui entoure le travail, éventuellement à la question du quartier, à ce que les travailleurs peuvent trouver d'appui à l'extérieur aussi des espaces de travail. Donc, voilà un peu la problématique d'ensemble, et je laisse les autres contester si j'ai oublié quelque chose. Très bien. Bon, alors, donc dans cette problématique d'autogestion, vous avez décidé de qui? C'est moi qui Maxime. Ouvre les hostilités. C'est Maxime, c'est toi qui ouvre. C'est mal. D'accord. Alors, moi, je vais aborder cette question de la politisation au travail par une entrée assez traditionnelle quand on s'intéresse au travail, c'est-à-dire par l'entrée syndicale, voir dans quelle mesure les transformations à l'œuvre que connaît le monde syndical français est pénétrée d'une certaine manière, même percutée, je dirais, par ces questions de démocratie au travail, de politisation. Souvent, comme vous allez le voir, de façon assez involontaire, poussé par les transformations économiques que rencontre le système productif français, à partir d'une enquête que j'ai menée il y a de ça maintenant 3 ans, au sein d'une imprimerie qui a été reprise par les salariés à Corbeil-Essonne. Et donc, au cours de cette présentation, je vais essayer de montrer en fait comment cette politisation s'exprime par la question de la participation au travail, comment elle se construit, comment elle s'impose même d'une certaine manière à ses salariés, et surtout en particulier aux acteurs syndicaux. Donc, je vais tout de suite donc vous exposer cette recherche. Je me présente très brièvement. Je suis membre du Printemps, donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, et je travaille sur les reprises d'entreprises maintenant depuis une dizaine d'années. J'ai mené des travaux sur l'Argentine, et maintenant j'essaye de suivre un peu ce mouvement de coopératif et essayer d'interroger un peu cette dimension donc politique à travers des enquêtes de terrain, notamment au sein de cette entreprise. Alors je vais peut-être revenir très brièvement en introduction sur ce retour du modèle coopératif, quand même, qui soutient un peu ces expérimentations. J'utiliserai pas le terme d'autogestionnaire parce que ce n'est pas l'autogestion, ça pourrait être peut-être un objet du débat justement sur cette question de politisation, comment on qualifie des expériences d'autogestionnaire ou pas. Mais en tout cas, depuis une dizaine d'années, on peut noter le retour du modèle coopératif, en particulier depuis 2008. Alors ça s'explique par différentes raisons que je vais essayer de retracer. Donc déjà, il y a des mobilisations sociales qui expriment ce désir de participation, du moins, alors justement, c'est toute l'ambiguïté. Est-ce que ça exprime un désir de participation ou que ça exprime autre chose? En tout cas, ça a toujours des effets sur la participation, c'est ça qui est intéressant. Donc, par des mobilisations sociales, je pense que vous avez entendu parler de Fralib, de la Fabrique du Sud, de toutes ces luttes qui s'expriment depuis quelques années, depuis une petite dizaine d'années. Ensuite, ce mouvement coopératif revient aussi par l'entrée politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, par exemple, les deux candidats à la présidentielle de gauche et de droite avaient soutenu respectivement un mouvement, justement, une de ces mobilisations. Sarkozy avait soutenu la lutte de Cifrance, cette compagnie de ferry qui depuis a été liquidée, je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais... et ensuite, Hollande avait soutenu, ou au même moment, Hollande avait soutenu la lutte de Fralud, qui est devenue, qui était reprise depuis maintenant 1 ou 2 ans. Toujours dans ce mouvement aussi de soutien politique plus institutionnel, je ne sais pas si vous l'aviez noté, mais la première visite sur le terrain d'Emmanuel Macron a été réalisée à l'entreprise Acom, qui est la plus grande SCOP de France, lors d'un déplacement le 2 février 2014. Alors il y a aussi surtout un soutien législatif important. Un soutien législatif avec le vote de la loi Hamon le 31 août 2014 qui vise entre autres à développer le secteur par différents dispositifs comme le droit à l'information, ce qu'on appelle l'escope d'amorçage et aussi la banque publique d'investissement. Enfin, il y a un retour de ce modèle coopératif. Donc l'idée, c'est aussi d'interroger ce retour de sa dimension politique de ce modèle coopératif à travers déjà des travaux de gestionnaires et d'économiques qui s'intéressent essentiellement à étudier les vertus du modèle SCOP par rapport aux entreprises conventionnelles. Alors là, on voit tout de suite que c'est en réaction beaucoup à la crise de 2008, à la crise actionnariale principalement qui pèse sur l'entreprise, avec toute une série de travaux qui questionnent donc les vertus du modèle SCOP sur les entreprises conventionnelles. Le domaine historique, que je passe très rapidement avec certains travaux qui se retrouvent pas forcément suite au contexte ou dans le contexte, mais qui en tout cas correspondent au contexte avec des revisites de l'insubordination ouvrière dans lesquelles on s'intéresse à ces expériences un peu autogestionnaires, coopératives, etc. Enfin, dans le domaine sociologique, qui passe plus par les formes de participation au travail, il y a différents dossiers qui sont parus récemment sur cette question de participation au travail et qui interrogent de façon un peu périphérique cette question des scopes, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux en sociologie sur la question des scopes. Il y a beaucoup de travaux en gestion et en économie, mais en sociologie, le domaine les sociologues ont déserté un peu, ou je ne sais pas. Alors là, je sais qu'il y a certains étudiants qui se dédient maintenant à cette question-là, mais jusqu'à récemment, il y avait assez peu de travaux sur cette question. Et donc, par le renouveau des actions collectives, par certains travaux que j'ai pu mener. Donc, cet intérêt multiple, comme je viens de le dire à l'instant, contraste avec l'absence d'enquête approfondie et compréhensive sur le phénomène actuel. Ce que j'ai un peu souligné déjà jusqu'à présent, c'est qu'il y avait, il y a un biais normatif assez important. Alors on peut reparler aussi de ce que c'est qu'un biais normatif. Hein. Effectivement, quand on dans un séminaire de pratique utopique, la question de la normativité peut-être peut se poser également. Mais là, on s'intéresse plus aux vertus que réellement aux mécanismes et au contexte historique et sociologique qui font émerger ces entreprises démocratiques. Je vais un petit peu vite, je vais ralentir la cadence un peu par la suite, mais vu que j'ai qu'une demi-heure, que je ne veux pas vous assommer, je vais essayer de me tenir au temps. Donc là, ce que je vous présente, c'est une enquête que j'ai menée entre octobre 2012 et avril 2013, une enquête ethnographique par observation participante au sein d'une entreprise qui a été reprise, d'une imprimerie, pardon, qui a été reprise à Corbeil-Essonnes, qui est composée d'aujourd'hui d'à peu près 100 associés, donc c'est une grosse coopérative. Au cours de laquelle j'ai mené donc des observations, des entretiens, etc. J'avais un bureau dans l'entreprise et j'étais chargé de réaliser une enquête, un stage pour améliorer la communication entre la nouvelle direction et la base. Donc j'en ai profité pour justement étudier toutes ces questions liées à la participation et à la transformation de l'entreprise. J'ai également, dans un deuxième temps, fait une analyse sur archives, puisque j'ai tout de suite j'ai très vite perçu en fait qu'il y avait une continuité historique, que cette reprise en coopérative ne surgissait pas de nulle part, et surtout qu'elle surgissait d'un endroit sur lequel on s'était pas intéressé, c'est-à-dire sur l'expérience syndicale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les syndicats français, les cultures syndicales françaises, est historiquement assez réfractaire au modèle coopératif, tout simplement pour des raisons idéologiques qui se rapprochent plus du marxisme. Alors peut-être que c'est aussi l'occasion de revoir un peu ces débats sur la place des coopératives dans l'économie marchande. C'est des débats qui étaient très, très présents dans les années 70, qui ont été un peu perdus de vue depuis et qui se reposent avec force dans ce modèle-là. Donc les deux questions générales que je veux vous soumettre, c'est de savoir tout simplement pourquoi d'un seul coup, ou presque, des salariés décident de faire usage du modèle SCOP alors que rien ne les préparait. Ni d'un point de vue idéologique, ni d'un point de vue pratique, avoir recours à ce modèle SCOP. Donc, la deuxième question qui sous-entend cette première question, c'est de savoir dans quelle mesure cette SCOP constitue une nouvelle arme pour les salariés. Et pour répondre à cette question, je m'intéresse à l'histoire professionnelle et à la mobilisation pour la reprise en scope pour essayer d'expliquer ces formes de participation au travail et donc de voir un peu le caractère politique de la dimension coopérative. Donc il s'agit ici d'un carnet d'historiciser le phénomène participatif. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça. En formulant l'hypothèse suivante, qui va être peut-être un peu décevante d'un point de vue politique, puisque moi ce que j'ai observé, c'est que il n'y avait pas forcément un plus grand modèle, de plus grandes aspirations démocratiques dans cette entreprise, mais que c'était plutôt l'aboutissement d'une forme de professionnalisation syndicale qui se retrouvait en fait dans ce modèle coopératif. Une retraduction donc d'une division ancienne du travail syndical entre professionnels et mandants. Délégué entre professionnels et délégataires. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait se satisfaire de dire bon voilà, c'est la même chose qu'avant, c'est pas terrible, ça renouvelle pas du tout la question politique du travail syndical. Mais sauf que ça qui est bien avec des terrains longs, c'est qu'on s'aperçoit en fait que si, il y a des formes de participation sous-jacentes qui apparaissent et que je développerai dans une dernière partie qui est moins propre en fait à l'histoire syndicale qu'à des configurations plus ouvriéristes, si je puis dire, qui apparaissent avec l'adoption du modèle SCOPE. Alors, dans une première partie, je vais vous présenter un peu l'entreprise. C'est une entreprise, donc une imprimerie qui est située à Corbeil-Essonnes. C'est une information importante, vous pouvez le supposer, parce que Corbeil-Essonnes, c'est quand même une configuration politique également au niveau local assez particulière. Donc une entreprise qui est située dans cette ville, en région parisienne. Il procède donc une imprimerie d'héliogravure. Il s'agit d'un procédé d'impression en creux, je vous donne un peu la définition un peu technique, réalisé à partir de transferts d'images gravés sur des cylindres de cuivre. C'est une technique qui permet de faire de très gros volumes de tirage. Par exemple, aujourd'hui, Hélio Corbeil imprime 10 millions d'exemplaires de magazines télé par semaine. Donc c'est un très très gros volume. Alors juste quelques petites photos histoire d'illustrer un peu ce procédé d'impression. Donc là, vous voyez les énormes cylindres de cuivre qui sont en train d'être gravés et qui ensuite sont descendus dans le hangar où sont installées les rotatives. Donc juste pour c'est une très très grosse machine. Vous pouvez apercevoir deux ouvriers sur le côté pour vous rendre compte de la taille. Donc c'est pas une petite scope, ni dans la taille, dans sa composition humaine, ni dans sa composition. C'est une vraie usine comme on la connaît. Donc voilà l'impression et la sortie des magazines en bout de rotative. Donc, c'est une vraie usine au sens technique du terme, au sens productif du terme, mais aussi au sens sociologique du terme. Il faut savoir qu'Hélio Corbeil, c'est un bastion ouvrier, c'est une usine qui est bicentenaire, qui est créée juste après la Révolution française, donc qui est un véritable patrimoine de la ville. Le boulevard sur lequel se situe cette entreprise s'appelle Boulevard Crété, qui est le nom du fondateur de cette entreprise. C'est une usine aussi familiale pendant très longtemps. Même encore aujourd'hui, il y a plusieurs générations de Corbeillois qui passent par cette entreprise. Le recrutement des salariés actuels provient d'un parent ou de l'école de formation en entreprise qui a existé jusqu'au début des années 90. Ensuite, Hélio Corbeil, vous allez comprendre pourquoi je fais tout ce rappel sociologique et historique, parce que c'est extrêmement important pour comprendre les pratiques de participation aujourd'hui dans la SCOPE. C'est une usine très prestigieuse jusqu'aux années 2000. Elle profite d'un parc industriel de pointe, de nombreux investissements. Grâce aux archives, j'ai pu calculer que les anciens propriétaires de l'entreprise, l'ancien groupe qui est Hachette, avait dépensé plus d'un demi-milliard de francs sur une vingtaine d'années. Donc c'est des sommes colossales qui participent au prestige de cette entreprise. Et surtout, parler des travaux de qualité. Alors, le contenu peut peut-être être un peu indigent, mais Paris Match, Elle, Le Chasseur Français, Playboy aussi, et aussi Les Trois Suisses. Donc c'est des travaux dans l'imprimerie qui demandent beaucoup de compétences. Alors, c'est des conditions de travail éprouvantes, c'est-à-dire que c'est des travaux postés, ils sont exposés à des autoluènes, à la poussière de papier au bruit, mais qui sont compensés, comme très souvent dans le milieu de l'imprimerie, par des salaires attractifs. Aujourd'hui, le poste le moins qualifié, celui de receveur, avoisine les 2000 euros net par mois. La moyenne des salaires dans l'entreprise s'établit autour de 2500 euros net, ce qui constitue des salaires importants pour le milieu ouvrier. Bien que, une fois de plus, c'est à prendre au regard des conditions de travail quand même assez éprouvantes. Alors, c'est un bastion ouvrier, mais c'est un bastion aussi syndical, notamment autour de la CGT. Pour vous donner un exemple, en 1996, un tiers des effectifs de l'usine est affilié à ce syndicat. Donc, si on reporte ça à la moyenne nationale, ça fait vraiment une présence syndicale assez importante, qui obtient, toujours la même année, près de 90% des suffrages dans le collège ouvrier. Mais y compris au sein des cadres, la CGT est majoritaire et devance de 20 points sa concurrente par intermittence, qui est la CFE-CGC. Donc, déjà, une présence institutionnelle très forte de la CGT. Mais ensuite, quand on fait des entretiens, que ce soit avec des adhérents de la CGT, mais aussi avec des contremaîtres, avec des gens qui détestent la CGT dans l'entreprise, ils nous disent, mais ils faisaient la loi dans cette entreprise. Il y avait une présence très forte. À chaque fois qu'il y avait un souci, on arrêtait les machines, on montait dans le bureau de la direction et on imposait nos conditions. Donc, il y a vraiment une présence très forte. Mais cette présence, surtout, c'est moi ça qui m'a le plus intéressé, c'est que elle se caractérise aussi par la présence de ce que j'ai appelé des intellectuels d'industrie. Alors, c'est un terme qui n'est rien de très original. Moi, je l'ai tiré des intellectuels d'institution de Bernard Pudal, puisque là, en analysant les archives, les PV de CVE, bref, tous les matériaux archivistiques que j'ai eus, mais aussi par l'accompagnement que j'ai eu auprès de ces salariés et de ces syndicalistes, on découvre en fait des ouvriers extrêmement qualifiés d'un point de vue de la technique, mais aussi d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. J'étais vraiment épaté, hein, au sens fort du terme, de voir, d'être en présence d'une élite intellectuelle ouvrière qui ne se laisse pas compter non seulement sur les conditions de travail particulières, mais aussi sur la politique de l'entreprise. Donc là, on s'aperçoit que déjà, il y a un embryon très fort de participation politique, de politisation, qui s'exprime par cette espèce de contestation intellectuelle très forte de la gestion de l'entreprise, qui contredit d'une certaine manière d'ailleurs des débats qui ont eu lieu dans les années 90 avec le tabou de la gestion de Jean Lochkine, qui explique que c'est bien dommage que la CGT ne mette pas un peu plus les mains dans le cambouis de la gestion, parce que c'est l'avenir du syndicalisme qui passe justement par une intervention plus importante de la gestion des salariés. En l'occurrence, là, c'est tout le contraire. On a vraiment affaire à des syndicalistes qui mettent la tête dedans et qui n'ont pas peur d'envoyer des courriers à la Gardère en disant « Écoute, t'as rien compris au monde de l'imprimerie, c'est ça qu'il faut faire. » Donc, très grosse surprise, ceci explique une grande part. Je ne sais pas comment reformuler ça avec la diapo suivante. Ceci n'est. Je vais y arriver. S'inscrit, si je puis dire, cette présence. Alors, c'est une présence. Je ne suis pas allé plus loin que les années 70, parce que j'ai voulu couvrir en fait la génération des salariés qui étaient en présence au milieu de la. Dans la coopérative. Mais il faut que j'aille très très vite. S'inscrit en fait dans un déclin du secteur de l'imprimerie très très fort depuis les années 70 jusqu'aux années 2000. Alors dans les années 90, ça se passe un peu mieux, comme vous allez pouvoir le voir sur ce schéma-là. Vous voyez bien, ça c'est une courbe des effectifs que j'ai reconstituée à partir de l'ensemble des archives dont j'ai eu à disposition. Alors les archives, c'est des bilans sociaux d'entreprise, des PV de CE, j'ai eu accès à des mails, j'ai eu une quantité d'informations qui m'a permis de reconstituer ce schéma-là, qui montre bien la crise un peu structurelle à laquelle est confrontée cette entreprise. Alors, pour faire face à cette entreprise, surtout à partir des années 90, on voit que ça va mieux à partir de 91, ça remonte, et puis, très nettement, 97, ça y est, ça chute. Et cette date de 97 est très symptomatique, en fait, de la santé de l'entreprise, puisque, à partir de 97, Hachette, qui était le propriétaire, décide progressivement de se désengager, parce que les marges de rentabilité sont progressivement s'amenuisent, se raréfient, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, de marché de l'imprimerie, parce qu'on n'a pas le temps. Face à ce constat-là, les délégués syndicaux décident donc, dès le milieu des années 90, de mettre en place un projet industriel, une contre-attaque, une riposte économique, en disant, ça suffit, on en a marre de dire oui ou non à chaque fois face à ce qu'on nous propose, il faut absolument qu'on ait une contre-attaque économique. Ils vont se fonder sur tous les outils dont ils disposent au sein des IRP, ils vont avoir affaire, se référer aux experts comptables, et ils vont monter un projet industriel qui va leur permettre en fait, d'affronter la direction, alors bon an mal an, hein, parce qu'on voit bien que les effectifs s'effondrent dans les années 2000, mais qui leur permettent à chaque fois d'aller à la table des négociations en disant « Ok, on va réduire les effectifs, mais on veut parler de l'avenir d'usine à partir de notre projet industriel ». Ça va porter ses fruits, puisque en 2006, ça leur permet d'obtenir de la part de l'un de leurs clients principaux le maintien des commandes alors que la direction était incapable, du moins disait qu'ils étaient incapables d'avoir de nouvelles commandes, et d'organiser un comité de pilotage qui inclut les élus locaux de la ville. Et là, c'est pas une mince affaire, puisque, c'est pas un détail, puisque l'un des principaux clients de l'entreprise s'avère être Serge Dassault. Donc voilà, Serge Dassault, qui est élu maire de Corbeil en 1995, jusqu'à récemment, pour des raisons, il a été destitué pour des raisons que vous connaissez probablement. Serge Dassault, en 2004, devient le propriétaire de la Seule Presse, qui s'avère être le principal client de l'entreprise. Là, ils se disent, il y a un coup à jouer, d'autant plus que, voilà, ça je me suis permis de faire ce petit schéma-là, qui représente en fait la distance qui sépare l'entreprise de la mairie de Corbeil. Donc il y a 300 mètres. Donc c'est, ils profitent d'une situation géographique idéale pour aller mettre la pression sur la mairie, qui s'avère être le principal concurrent. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce qu'ils ont affaire à des multinationales qui envoient donc, des pantins pour essayer de négocier, pour diriger ces entreprises. Et là, ils arrivent à contourner cet obstacle-là en mettant la pression sur Serge Dassault. Donc, ça n'empêche pas les plans sociaux. Il y en a un 2001, 2006, 2008 et 2011. Le dernier propriétaire décide de se séparer de l'entreprise parce qu'il voit qu'ils ont une contestation assez importante d'un groupe qui ne se laisse pas compter les suppressions de postes, la dégradation des conditions de travail, etc. Et, sauf que, en 2011, ce dernier propriétaire, qui est un fonds de pension hollandais, se désengage de l'entreprise. Et donc, les salariés sont obligés de trouver une solution. Alors, ils vont chercher un repreneur, ils n'arrivent pas à trouver un repreneur. Donc, ça aussi, ça montre cette espèce d'esprit d'entrepreneuriat, si je puis dire, économique. Là, il y a vraiment un modèle hybride d'entrepreneur de mobilisation. Entrepreneur de mobilisation au sens classique du terme, investir le conseil municipal, à couper des routes dans le Corbeil, à se mobiliser le repère d'action collective assez classique, mais aussi sur le terrain économique. Et là, un peu par hasard, pas complètement, peut-être, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir là-dessus, il découvre donc le modèle SCOP qu'il ne connaissait pas, comment, grâce à une autre expérience de reprise en SCOP par la CGT, dans le magazine de la CGT. Et là, ils se disent, Eureka, ça peut constituer un support complètement intéressant pour maintenir l'activité. Et ça fait une jonction avec cette pratique qu'ils avaient développée autour du projet industriel, de cette riposte économique qu'ils avaient mis en place depuis une dizaine d'années. Et voilà. Alors et là, ils vont bénéficier encore du soutien de Serge Dassault, qui n'a pas forcément non plus trop le choix. On vous a bien vu que c'est une configuration un peu particulière qui leur permet de mettre la pression sur Serge Dassault. Et en 6 mois, ils arrivent à reprendre leur entreprise le 7 février 2012. C'est une période extrêmement courte. Il faut savoir, 6 mois, c'est très peu de temps pour reprendre une entreprise de cette taille-là. Mais Serge Dassault leur a octroyé un prêt de 300 000 euros qui leur a permis de compléter l'apport au capital social de l'entreprise. Leur ancien délégué syndical CGT devient donc le PDG de l'entreprise. Donc c'est un ancien électricien qui est à la tête de l'entreprise. Alors c'est très bien parce que du coup j'ai une petite dizaine de minutes pour vous parler de la participation. Alors j'espère ne pas être allé trop vite. Je m'en excuse parce que c'est une mobilisation qui est extrêmement dense, qui est difficile à prendre dans toutes ses dimensions. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez les principaux éléments pour comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, en seulement 6 mois, les salariés d'Élie Corbeil ont créé leur SCOP. C'est une participation, une période très courte, qui a des effets sur la mise en place de la participation. Tout d'abord, il n'y a pas d'élection du nouveau conseil d'administration, ce qui semble un peu paradoxal pour un modèle d'entreprise qui se veut démocratique, d'accord. Alors ce n'est pas illégal, et ils sont même soutenus en ce sens par la seule association de soutien au SCOP, en leur disant vaut mieux qu'il y ait déjà des gens qui soient, vaut mieux que ce soit les entrepreneurs qui soient à la base du projet, plutôt que de faire une élection, que ce soit n'importe qui vienne, qui ne soit pas au courant des dossiers en cours, etc., qui ne soit pas identifiable par les banques, etc. Cette période va aussi favoriser donc cette professionnalisation syndicale. la persistance d'une professionnalisation syndicale, une reproduction du modèle syndical par l'absence de formation coopérative pendant un an. Durant toute la première année, les salariés n'ont pas de formation au modèle coopératif. Donc, en l'absence de... un laps de temps très très court pour former la coopérative et en l'absence d'une formation coopérative, très logiquement, l'ensemble des nouveaux associés vont se dire « Bon, ben voilà, on va faire avec le modèle qu'on connaît, c'est-à-dire celui d'une élite syndicale qui s'occupe des affaires économiques de l'entreprise, et nous, les autres syndiqués, ben, on leur fait confiance et on les suit dans cette expérience coopérative. » Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous le fais en cours, quoi. Alors, la formation, s'il n'y a pas d'élection, c'est comment se forme le conseil d'administration qui va diriger cette entreprise. Alors, une fois de plus, c'est conforme à la division sociale du travail syndical dans cette entreprise, mais pas seulement. Pas seulement dans la mesure où, effectivement, il y a des délégués syndicaux qui ont été de la partie pour créer la SCOP, qui vont faire partie du conseil d'administration. Donc il y a un agent d'accueil, c'est quand même assez original pour un conseil d'administration, un agent d'accueil, deux électriciens, et ensuite c'est un contremaître d'une des rotatives, un fabricant, alors un fabricant dans le milieu de l'imprimerie c'est un commercial, et le chef de l'atelier. Donc une coloration très ouvrière du conseil d'administration qui détonne beaucoup, non seulement des entreprises conventionnelles, mais qui détonne aussi avec les reprises d'entreprise par les salariés en règle générale. Les reprises, on essaye toujours, les associations de soutien aux reprises essayent toujours de faire en sorte qu'il y ait un manager, un directeur des ressources humaines et un commercial. Il faut qu'il y ait des cadres dans le conseil d'administration et de préférence, il faut que ce soit des cadres qui soient aux manettes, hein, en tant que PDG de l'entreprise. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment une coloration ouvriériste très très forte et qui aura des fortes implications. Donc les deux tiers du conseil d'administration est composé d'ouvriers. Ce ne sont pas les ouvriers forcément les plus en bas de l'échelle de l'organigramme. Ce sont des ouvriers qui ont déjà un certain capital scolaire et syndical et aussi une certaine position dans l'organisation du travail. Mais ça reste des ouvriers qui continuent de travailler dans l'atelier, en dehors du PDG. Le PDG passe PDG, c'est-à-dire qu'il a des horaires classique du travail, mais les autres, la plupart des autres, continuent de travailler en 3-8 et continuent d'être au contact des autres salariés de l'entreprise. Je le souligne volontairement. Alors, cette reproduction, si je puis dire, de cette professionnalisation syndicale a pour effet d'avoir des visions socialement différenciées de la participation. Là, je trouve qu'on rentre vraiment dans le cœur de la question de la politisation au travail. Sans formation, sans cadre, sans façonnage de ce que c'est qu'un modèle coopératif, ils vont projeter ce qu'ils entendent du modèle coopératif. Alors, ils ne vont pas se dire simplement c'est une reproduction de la démocratie sociale, les IRP, etc., des élections professionnelles. Ils vont avoir une extrapolation de ce que doit être la fonction syndicale dans l'entreprise. Et ça va créer une série de conflits très importants entre les différents membres de l'entreprise. Il y a d'un côté les délégués qui sont devenus conseil d'administration pour qui la démocratisation imposée par la SCOP passe par la sensibilisation aux affaires et à l'avenir de l'entreprise. Donc moi j'ai assisté à des scènes où pendant 2 heures le PDG expose en assemblée générale les solutions qu'il propose d'un point de vue stratégique et financier pour que l'entreprise puisse dépasser le modèle simplement d'imprimer des magazines télé. Et des salariés de l'autre côté, des associés en disant « Oui, bon, c'est très bien, mais nous, on nous a imposé de travailler le week-end, ça ne va pas du tout. » Donc, d'un côté, la démocratisation, et ils me le disaient dans leur discours, en disant « Mais non, mais il faut qu'on les sorte de leur contexte immédiat de travail. Il faut absolument qu'ils s'approprient les enjeux économiques de l'entreprise. » Alors que pour les associés de base, la démocratisation passe par une extension des domaines de la démocratie sociale. Les nouveaux droits permis par la SCOP résident en effet moins ici dans un droit de vote ponctuel sur des enjeux lointains et incertains, mais plutôt par consolider tout à la fois la légitimité, l'exigence et le champ des réclamations salariales. Le modèle SCOP, pour eux, c'est encore plus de droits syndicaux et salariaux. Donc là, ça a forcément sa pêche quand on sait que bah, là, maintenant, il n'y a plus de patron sur qui on peut tirer des sous, des droits, etc., puisque c'est l'ensemble de l'activité qui est répartie dans l'ensemble de l'entreprise. Donc, il y a une professionnalisation syndicale là qui se heurte à une réalité différente, tout simplement. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut simplement dire, bon, c'est une simple reproduction du modèle, une extrapolation d'une reproduction ou d'une professionnalisation syndicale ? Non, pas vraiment. Ce que j'ai, en fait, observé, ben, j'ai participé à l'ensemble des conseils d'administration de cette nouvelle direction, et, en fait, j'ai été très étonné de voir, en fait, que la plupart du temps dédié durant ces conseils d'administration était dédié à la sauvegarde du climat social de l'entreprise, plutôt qu'à des questions d'enjeux économiques, stratégiques, etc. Donc c'est un peu paradoxal avec le discours qu'ils tiennent en règle générale, puisque, en fait, ils passaient leur temps à dire « Oula, qu'est-ce que ça va avoir comme effet si on les, justement, si on les fait changer leur organisation du travail, si on, par exemple, ils avaient un prêt à rembourser auprès de Dassault qui avait participé au capital social de l'entreprise. » ils ont passé des heures à trouver la manière la plus juste de répartir de façon la plus indolore possible ce remboursement sur les différents salaires qui composent l'entreprise. Et ça, ça s'explique par une donnée toute simple, c'est que, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ces salariés, bah, ces mandataires du conseil d'administration sont toujours dans l'atelier et donc sont sensibles aux critiques, à la fois aux critiques que peuvent émettre leurs associés sur les politiques, les décisions qui sont prises en conseil d'administration, hein, tout de suite ils ont les échos des différentes décisions, mais aussi ils sont sensibles à la condition ouvrière en atelier. Donc on est vraiment, sans le vouloir, par des affinités de travail, de perception du monde, de représentation, en disant c'est nous les techniciens, c'est nous les ouvriers qui sommes plus aptes, parce qu'ils auraient pu très bien prendre des cadres, hein, il y avait encore des cadres, mais ils ont privilégié la cooptation syndicale et productive au détriment d'un autre classement, d'une autre forme de classification de la composition du conseil d'administration. Ça a un effet direct de contrôle ouvrier d'une certaine manière. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans l'apparence, on assiste en fait, et je finirai là-dessus, on assiste à une espèce de reproduction de la professionnalisation syndicale qui est si décriée par ailleurs dans les pratiques aujourd'hui du syndicalisme français. Et en fin de compte, pas vraiment, pas tant que ça, puisque au final, le résultat sur quoi ça aboutit, c'est qu'ils essayent déjà de trouver les meilleures dispositions qui vont permettre que les décisions soient les plus acceptées possibles par les autres, mais que dès qu'il y a une décision qui est contestée, elle remonte presque immédiatement en fait, à l'ensemble du conseil d'administration. Donc on n'est pas face à une participation, disons, formelle du travail. Face à une espèce d'autogestion informelle, hein, qui avait déjà été signalée dans des lectures du début des années 80, mais c'est dans des modèles d'entreprise complètement différents. Mais là, par cette double appartenance au conseil d'administration, eh ben, on a affaire à véritablement une espèce de régulation démocratique des décisions d'entreprise. Voilà. Et j'ai fait 30 minutes. T'es parfait. Merci, Christian. Oui, c'est gentil. Il y aurait plein de choses à demander, mais bon, on passe peut-être à l'exposé suivant. C'est Alexis, tu... Oui, oui, et puis on fait la discussion sur les deux. Oui, sur les deux expériences. Alors moi, je vais vous parler d'un monde assez différent que celui de l'aristocratie ouvrière. Bon, on en avait parlé. Différent d'une certaine manière. On va voir. Ouais, que je connais par mon histoire familiale. Mon père était au NMPP, donc ça me parle assez, dans la presse parisienne. Et donc, vous parlez de deux pratiques autogestionnaires. Alors, je fais un point tout de suite sur la formule. Donc, en Grèce, c'est un terme que les intéressés emploient, autodiachirinsi. Dans les discussions, ça revenait tout le temps. En cours en Grèce aujourd'hui, donc, je vous parlais surtout de l'usine autogérée Viomé à Thessalonique et un peu, si j'ai le temps, des dispensaires sociaux autogérés, particulièrement dans la banlieue d'Athènes. Donc j'ai visité ces trois sites et discuté avec certains de leurs membres en mars dernier. J'ai pas eu le temps de mettre en œuvre une véritable démarche d'enquête, mais comme on avait discuté avec Pierre et Maxime avant, moi je leur ai posé certaines des questions qui étaient là, et puis j'avais ça en tête dans les discussions et la petite observation que j'ai faite. Je me suis également référé au discours que ces deux expériences autogestionnaires produisent sur eux-mêmes. Donc je renvoie à deux sites, vous pourrez aller voir parce que c'est en français aussi. Le site de viomet.org, donc traduit en anglais et en français, et le site de l'association Solidarité France-Grèce pour la santé, donc dont je suis membre et qui organise l'envoi de médicaments et d'argent dans les dispensaires, que vous pouvez trouver à l'adresse solidaritéfrancogrecque.wordpress.com. Et je me présente aussi, je suis post-doctorant dans le cadre de l'ANR Approche philosophique de la centralité du travail. Alors pour commencer, je vais dire simplement quelques mots de la manière dont j'envisage ce problème de la politisation du travail et ces exemples de pratiques autogestionnaires dans la perspective d'un travail en cours, la rédaction d'un ouvrage intitulé « Le travail démocratique ». Je vais en dire quelques mots, c'est assez général et abstrait, puis j'essaierai d'aller vraiment assez proche de ce terrain, et puis en conclusion je reviendrai sur l'argument principal plus général. Dans ce livre, j'essaye de réactualiser l'hypothèse selon laquelle la démocratie doit être pensée centralement à partir du travail. Alors, on peut comprendre cette centralité politique du travail de diverses manières. Centralité géométrique, à minima. Le travail constitue un enjeu politique central. Centralité constitutive, le travail structure, organise le système politique, les pratiques politiques. Et ce qui m'intéresse le plus, centralité dynamique, le travail et ce à partir de quoi il est possible de maintenir ou de transformer la société et donc le principal instrument de l'action politique. On l'avait cité dans le petit texte en commun, c'est ce qu'exprime par exemple Franck Fischbach dans son dernier livre « Le sens du social ». Je le cite, « Les collectifs de travail peuvent être vus comme autant de lieux à partir desquels on peut embrayer des luttes et des stratégies visant à hégémoniser l'ensemble des rapports sociaux, la démocratie comme forme sociale de vie. » Voilà l'idée, le travail est le centre, le foyer, à partir duquel un projet démocratique, des pratiques démocratiques peuvent se construire. Je dis encore quelques mots de la construction de l'ouvrage, d'autant plus que mon idée suite à ce travail-là est que ce dont je vais vous parler soit au début de la troisième partie. Alors, dans la première partie, j'essaye d'interroger ce qu'on peut entendre par rapport politique au travail, y compris dans des entreprises non coopératives, premier moment. Puis, dans le deuxième moment, j'essaye de voir comment, donc deuxième chapitre, la finance, le management, la bureaucratie néolibérale peuvent être considérées comme des formes d'organisation contre-démocratique. L'idée, c'est comment le travail est investi par des attentes, des exigences démocratiques, puis ensuite, comment l'organisation néolibérale et imprécisément détricote ces attentes démocratiques, les empêche, bon, et les formes d'organisation qui existaient. Dans la deuxième partie, sur laquelle je reviendrai un petit peu en conclusion, je reconstruis à partir de Marx et Dewey deux modèles du rapport entre travail et démocratie. On peut les appeler le modèle de la lutte des classes et le modèle coopérativiste, que j'essaye d'éprouver ensuite dans les domaines du féminisme matérialiste, de la théorie décoloniale, de l'écologie politique. L'idée, j'y reviendrai, c'est celle du rapport entre le projet de transformation de l'État et des rapports sociaux pour ensuite changer le travail, ou bien celui d'un changement de l'organisation du travail pour ensuite pouvoir étendre ceci à la transformation de l'État. Et assez curieusement, mais j'ai retrouvé ce problème assez centralement dans ces discussions et dans ces observations. Et surtout, dans la troisième partie, donc, je questionne directement certaines pratiques coopératives et autogestionnaires et discute quelques-unes des propositions actuelles issues de la recherche ou de l'activité partidaire et syndicale en vue d'une politique démocratique du travail. Là, je m'en tiendrai simplement à la question du syndicalisme qui apparaît assez différemment dans mes termes. Ok. Alors, je vais vous parler d'abord de Viomet, puis des dispensaires sociaux autogérés beaucoup plus vite, à partir de trois questions qui ne sont pas la question de l'organisation du travail. Et précisément, un des résultats, j'anticipe tout de suite quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans cette observation et ces discussions, c'est que la question de l'organisation du travail, qui pourrait paraître centrale, la plus importante en réalité, dans une perspective autogestionnaire, eh bien elle vient toujours comme une conséquence d'autres problèmes. Quels sont ces trois problèmes ? D'abord, donc ce sera à chaque fois mon premier point, le rapport aux formes déjà là de la politique. Hein, mon hypothèse, c'est que le travail démocratique, ou ici autogestionnaire, tend à abolir la séparation entre fonction économique et fonction politique du travail. Fonction économique, la production de biens et de services. Fonction politique, la production d'institutions et de rapports sociaux. Très concrètement, dans ces deux exemples, eh bien, la réflexion et une partie de l'activité est tendue vers l'abolition de cette séparation. Ce n'est pas la question de l'organisation du travail d'abord. Deuxième problème, que je reprendrai dans mes deux parties, la finalité du procès de travail. Mon hypothèse, c'est que le questionnement collectif sur ce que et comment on produit précède celle de l'organisation démocratique du travail. Je vais revenir tout de suite avec Viomé. Ce qu'ils me disent tous, c'est que l'autogestion, c'est venu dans un deuxième temps, pour régler certains problèmes. Et troisième question que je traiterai, celle de la coopération transverse entre, et je vais insister beaucoup là-dessus, entre travailleurs, associés solidaires. J'en parlerai. Dans les deux cas, il y a autour de l'entreprise un réseau, hein, sous forme d'association dans un cas et sous forme d'un réseau international dans l'autre, qui joue un rôle extrêmement important, y compris dans la production elle-même. Donc, coopération transverse entre travailleurs, associés solidaires et société dans son ensemble. Mon hypothèse, hein, c'est que ce niveau intermédiaire, l'association qui s'appelle Solidarité avec Biomé et le réseau de soutien aux dispensaires sociaux autogérés, joue un rôle crucial pour penser la spécificité de leur tentative de politisation du travail. Donc, ce sera ça, finalement, mon hypothèse. Cette politisation du travail se joue assez centralement dans ce rapport entre travailleurs et réseaux associatifs autour, centrés sur la production. Donc je vais d'abord pour Viomé, puis peut-être si j'ai le temps après pour les dispensaires sociaux autogérés, reprendre ces trois questions, après vous avoir quand même un peu parlé de ce que sont ces deux expériences. Alors les travailleurs de Viomé... Donc une usine de matériaux de construction qui était initialement spécialisée dans le métal à Thessalonique ne sont pas payés depuis mai 2011 et le propriétaire, dans le courant de l'année, décide finalement d'abandonner l'usine. Par décision de l'Assemblée Générale des Travailleurs, il décide d'occuper l'usine, occupation qui va durer sous une forme d'occupation assez longtemps, presque 2 ans, et de la faire fonctionner sous le contrôle des travailleurs en démocratie directe. Il redémarre la production le 12 février 2013, donc à peu près un an après le début de la lutte, suite à une mobilisation sociale importante, avec des manifestations, y compris dans Thessalonique, y compris à Athènes, je vous en reparlerai. Assez intense activité de politique. Progressivement, donc, l'usine a abandonné, donc c'est important de vous le dire parce que j'y reviendrai, la production de matériaux de construction et le traitement par produits chimiques pour ne produire aujourd'hui que des produits ménagers bio, notamment du savon, du liquide vaisselle et des produits de nettoyage que vous pouvez acheter en ligne sur leur site. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine de salariés, dont 3 nouvelles recrues en janvier 2016, juste avant que je ne les rencontre. Un dernier élément, donc l'Assemblée des travailleurs se réunit tous les jours dans l'usine, chaque semaine pour des décisions stratégiques, et toutes les 2 semaines en commun avec l'association Solidaire de Viomé, que j'ai eu la chance de participer à l'une d'entre elles, qui joue un rôle très important dans l'activité de production, de mise en vente et de promotion de l'autogestion, à présent au niveau international. C'est vraiment une toute petite expérience, mais maintenant, bon, quand... Pilpa ou la Fabrique du Sud ou Zanon organisent des congrès internationaux à Marseille ou ailleurs, ils sont là. Alors, je peux abonder dans ton sens. La prochaine rencontre de l'Association internationale de l'économie des travailleurs sera à Viomé. À Thessalonique en septembre. Ouais. Et là, ils ont parlé justement dans la réunion. Absolument. Ouais, ils avaient peur de ne pas y arriver. Ok, donc le rapport aux politiques, je m'en tiendrai à une série de remarques. Là, je reviens vraiment à des choses très empiriques, voire anecdotiques, mais qui me paraissent parlantes du point de vue de mon travail. D'abord, les ouvriers qui ont participé à la reprise de l'usine n'étaient absolument pas initialement des militants politiques. Ils étaient, et je vais vous parler pas mal du contexte politique qui en Grèce évidemment a joué un rôle assez important ces derniers temps, d'anciens sympathisants du PASOK et n'avaient pas d'expérience politique ou coopérative particulière. Comme ils me l'ont dit à plusieurs reprises, notre priorité était de continuer l'activité. La question de l'autogestion est arrivée après. Et ça, c'était le discours, y compris, qu'on trouve sur le site, mais évidemment, en creusant un peu, on va voir que c'est plus complexe. C'est vrai, mais c'est un peu plus compliqué. Alors, lors de ma petite enquête à Thessalonique, hein, d'autres voix proches, notamment des gens dans l'association autour, m'ont permis d'expliquer mieux ce terrain favorable. Effectivement, ce n'était pas du tout des militants de l'autogestion ni des militants politiques, mais il y avait un terrain. Lequel était-il ? D'abord, ces ouvriers avaient l'habitude, semble-t-il assez contingente, hein, depuis longtemps, de faire des discussions collectives entre travailleurs hors cadre syndical, et certains connaissaient l'existence d'expériences coopératives. Ce qui s'explique notamment par la politique du PASOK, donc le gouvernement dans les années 80, l'équivalent de Mitterrand, Papandréou, dans les années 80, qui encourageait les ouvriers à reprendre les usines abandonnées par centaines à l'époque, mais seulement en leur attribuant une aide financière. Or, cette expérience-là a été un échec complet. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé pour aider des ouvriers à reprendre des entreprises. Et ça a marqué beaucoup de gens, en réalité, notamment ces gens-là qui m'en ont parlé. Ils ont connu ça avec l'idée qu'il ne suffit pas d'inonder d'argent les ouvriers, mais qu'il faut qu'il y ait un vrai projet de reprise, un vrai projet politique, une réappropriation des savoirs, des techniques. Et puis là, il y a une hostilité assez forte, hein, à l'égard de l'État. Et donc ça, c'était assez présent. Ça peut faire penser, hein, à la critique du programme de Gotha, critique de la création de coopératives avec l'aide de l'État. C'est vraiment quelque chose qui était assez important dans leur discours. Okay. En tout cas, cette expérience, hein, vécue de près ou de loin pour la plupart des soixantenaires de l'usine, avait ouvert pour eux certains questionnements. Ils savaient que c'est vraiment des gens de milieu populaire, vraiment, qui viennent de petits villages, mais ils savaient, pour certains qui n'avaient pas lu vraiment de livres sur la question avant les dernières années, mais ils savaient que ça existait. Deuxième remarque, au moment, donc je vais résumer à la fin, au moment de leur mobilisation, qui a été assez rude, sans salaire, pendant la procédure initiale de liquidation, avec arrêté d'expulsion, les ouvriers se sont spontanément tournés vers les partis politiques et les syndicats, qui ne leur ont proposé qu'un soutien juridique pour négocier les meilleures primes de licenciement et ne se sont pas intéressés à leur idée de reprendre l'usine à l'activité. Voilà quelque chose qui était très important aussi pour eux. On est allé voir tous les partis, tous les syndicats, ils ne se sont pas intéressés à nous, donc on ne peut rien faire avec eux, il va donc falloir nous auto-organiser. C'est une expérience assez caractéristique de ce qui s'est passé dans les années 2008-2012 en Grèce, je vais assez vite. Enfin, dernière remarque, toujours assez anecdotique avant de faire l'argument général, le passage de l'idée d'autogestion à des initiatives concrètes, et notamment l'appel public à soutien de leur projet, qui a été suivi par l'organisation d'un grand concert à Thessalonique en 2013 qui a financé la reprise d'activité, a été rendu possible, selon eux, par deux rencontres, contingentes aussi. D'abord, le petit cercle de militants autonomes Alpha Kappa à Thessalonique, qui militent pour l'autogestion, mais sans aucune réalisation dans le domaine de la production. Une petite dizaine de personnes. Puis ensuite, chose qui a été vraiment, semble-t-il, décisive, la venue des ouvriers en autogestion de Zanon, venus d'Argentine, pour les encourager et les conseiller. Ils sont restés assez longtemps. On peut résumer comme ça. Il a fallu non pas un engagement politique préalable, mais une culture politique minimale. Non pas l'aide d'organisations syndicales ou politiques, mais au contraire leur désintérêt. Non pas un projet initial très précis, mais des rencontres avec des promoteurs de l'autogestion, pour que les ouvriers se lancent effectivement dans la reprise de l'usine. Premier argument, comme me l'a dit un des ouvriers, bon, ça leur faisait beaucoup rire, que c'était le premier philosophe qui venait, hein, ça faisait beaucoup marrer. L'autogestion, c'est une philosophie politique, comme ce que tu fais, mais pour nous, ça a d'abord été une nécessité. On n'a pas pu faire autrement, on aurait bien aimé s'en passer au début. Maintenant, on est très contents. Mais... Okay. Oula. Je t'en prie. Deuxième question. Changement dans la production, le procès de production et réappropriation des savoirs. Donc, les ouvriers n'ont bénéficié d'aucun soutien financier ou technique autre que celui du mouvement de solidarité né pendant les manifestations et l'occupation de l'usine. Et donc, ils ont commencé l'activité parce qu'ils savaient faire, et comme c'était essentiellement des manutentionnaires et pas les cadres, hein, qui eux, pour la plupart, sont partis, eh bien, ils ont fait tourner jusqu'à ces temps-ci à peu près un tiers de l'usine. Et parmi les trois, ce qui explique les recrutements récents, hein, toute la question était de trouver des ingénieurs chimistes assez qualifiés pour pouvoir faire l'état des lieux du laboratoire et pouvoir se réapproprier quasiment la moitié de l'usine, ce qu'ils étaient en train de faire là, le laboratoire de chimie. Mais cette réappropriation des moyens de production et des techniques est évidemment donc un enjeu central, mais elle est d'autant plus intéressante ici que les ouvriers ont décidé progressivement de changer de produit, de procès de production. D'une part, alors pourquoi ? Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, d'assez remarquable, y compris dans l'expérience internationale aujourd'hui. Pourquoi ils ont fait ça ? D'une part, pour faire face à l'hostilité d'une partie des anciens clients, qui étaient des amis personnels de l'ancien patron, donc et qui ne leur faisait plus de commandes. Et d'autre part, mais surtout en réalité, pour répondre à la demande du réseau des bénévoles à Thessalonique et à Athènes, dont l'un m'a expliqué ainsi sa réflexion, « Puisque nous vous aidons à reprendre l'usine, nous vous demandons de produire des choses qui nous seront utiles et que nous pourrons vous acheter. » Tout simplement, donc, produits ménagers. C'est ce qui explique donc que la production consiste essentiellement donc en produits ménagers bio extrêmement peu chers et avec une insistance très importante sur le caractère irréprochable des matériaux d'un point de vue écologique. Lors de la réunion avec l'association de solidarité à laquelle j'ai participé, il a été question de plusieurs choses, notamment du soutien apporté à d'autres ouvriers portant un projet autogestionnaire, donc à 50 km, projet de menuiserie qui vient de commencer l'activité là. Donc il faut noter, je l'ai pas dit au début, c'est le premier, selon tout le monde, c'est la première expérience d'autogestion et de reprise d'usine en Grèce depuis toujours. J'étais un peu étonné, mais c'est ce que tout le monde dit. Donc maintenant, il y en a une deuxième, à 50 km. Donc il a été question de ça, mais il a été question surtout, donc il y avait dans cette réunion à peu près autant de personnes que nous sommes là, trois ouvriers et une vingtaine de membres de l'association, et deux, trois internationaux comme moi. Mais il a été question surtout de la qualité des produits, et notamment du projet de se passer de la certification bio institutionnelle, notamment européenne, pour proposer une contre-certification maison qui pourrait être facturée, et aussi des difficultés rencontrées dans le procès de production lui-même. Donc, c'est vraiment, j'ai été très impressionné par ça. Cette association entrait directement, d'une manière très très en détail, dans le procès de travail, dans la qualité de produit, et dans des propositions et du conseil dans l'activité. Résumons ce deuxième point. L'enjeu majeur de la transformation du procès de production passe ici par... du projet autogestionnaire, pardon, passe ici par une transformation non pas d'abord de l'organisation du travail, mais du procès de travail et donc de la division du travail. L'idée, qu'est-ce que c'est ? Si vous vous intéressez à ce qu'on produit et comment, évidemment l'organisation du travail, ça va être très important, mais c'est d'abord la division du travail, la répartition des fonctions dans l'entreprise et entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise qui va bouger. Hein ? Là, je conteste un peu une vision qui est peut-être un peu implicite, j'y reviendrai en conclusion. En général, dans les théories ou même les recherches empiriques sur l'autogestion, on insiste beaucoup sur l'organisation. Voilà, comment ça va être le plus démocratique possible, comment on va faire de l'ingénierie démocratique en interne. Là, eh bien, ce que j'ai constaté, moi, c'est que ça découle en réalité de la question du procès, de la transformation du procès de production et d'une remise en cause du rapport entre travailleurs et non-travailleurs. Dernier point pour cette première partie, le rapport entre ouvriers, associations, sociétés. C'est ce qui m'a paru le plus remarquable, et bien, c'est aussi ce que je cherchais à vous dire. Je n'ai pas fait une vraie enquête très longue, j'y suis resté 4 jours, bon. Mais ça avait l'air de bien marcher, mon idée. Même si, bien entendu, il existe des associations de ce type, hein, notamment les Amis de la Fabrique du Sud à Carcassonne, jusqu'à des modèles beaucoup plus complexes et institués comme la Concobol en Bolivie, hein, il y a évidemment des choses de ce type. Mais ici, ce qui m'a intéressé, c'est que le passage à l'autogestion du Yomé a signifié aussitôt un projet de décloisonnement de l'entreprise. Dans les discussions, il était question sans cesse du rapport entre Viomé, les solidaires et la société, ou la communauté, le mot est le même, kinotita en grec. Pourquoi ? Alors, j'ai déjà mentionné le rôle qu'avait joué cette association dans la genèse de la reprise en autogestion, conseil, financement, participation à l'occupation, changement dans le procès de production et de commercialisation. Tout ceci sans conflit. J'ai discuté il n'y a pas longtemps un peu par hasard avec quelqu'un qui fait partie des Amis de la Fabrique du Sud, hein, qui me dit, et ça a l'air d'être quelque chose d'assez classique, qu'aujourd'hui, les Amis de la Fabrique du Sud sont beaucoup plus attachés au projet autogestionnaire que les ouvriers eux-mêmes. Parce qu'eux, ils ont une vision comme ça militante. Les ouvriers, ils essayent de se débrouiller avec ça, et il y a l'air d'avoir des conflits assez importants, et ça ne va pas très bien. Alors, après. Ici, moi, ce que j'ai constaté, que vraiment, il y avait quelque chose de pas très conflictuel du point de vue de ce point de vue. En quoi consiste exactement son rôle ? Eh bien, il ne s'agit pas simplement d'internaliser le point de vue de la société dans l'entreprise, quelque chose qui est beaucoup discuté, proposé par exemple par, même s'ils ne parlent pas d'autogestion, par Claude et Golac, avec l'idée, dans leur dernier livre, l'idée qu'on va internaliser le conflit sur la qualité du travail, et donc en général faire entrer le point de vue des clients et des destinataires du travail dans l'entreprise. Mais il s'agit tout autant, voire d'abord, d'externaliser le point de vue de l'entreprise dans la société. Vous voyez l'idée, hein, soit vous pensez qu'on va démocratiser l'entreprise en faisant entrer le point de vue de la société, notamment des clients, dedans. Il y a ça, évidemment, puisque ça a été jusqu'à un changement de produit. Mais il y a aussi toute une activité d'externalisation, de projection du point de vue de cette entreprise-là dans la société. À cet égard, la séparation même entre intérieur et extérieur de l'entreprise n'est plus opérante. Je prends trois exemples. Toujours, un peu micro. Pour faire face à la menace des procédures d'étatique, de liquidation, d'expulsion, de coupure d'électricité, les ouvriers et l'association ont mis au point une stratégie assez intelligente. La multiplication des activités dont le caractère d'intérêt général est manifeste, permettant d'accroître la sympathie de l'opinion publique et aussi d'enrayer les procédures de verrouillage institutionnel. Ainsi, il venait d'ouvrir un dispensaire social autogéré de médecine du travail à l'intérieur de l'usine, qui fait que des travailleurs d'autres entreprises peuvent venir y consulter, et ça a été un argument assez important contre les menaces de coupure d'eau. Donc la bataille juridique, vous aurez compris, n'est pas finie, là il y a encore une prochaine échéance, procès en juin. Okay. Ensuite, au moment où j'y étais, au summum de la dite crise des réfugiés, l'usine de Viomé était aussi le principal lieu de stockage des médicaments et vivres récoltés par la campagne de solidarité populaire envers les migrants. Je vais vous en reparler peut-être dans la deuxième partie. Ce qui contribuait également à un déclassement spatial et aussi social de l'usine. L'usine, en plus, est à trois quarts d'heure, une heure de la ville. Elle n'est pas du tout en centre-ville, donc c'est pas évident de faire ça. Enfin, on constate que Viomé s'est constitué à Thessalonique comme un foyer de diverses activités militantes. C'est autour de cette expérience que se retrouvent militants de la ville de divers appartements politiques, chercheurs et militants internationaux, mais aussi d'autres projets autogestionnaires qui commencent à se reconstruire dans la région, je vous en ai parlé d'un tout à l'heure, et dans les discussions que j'ai eues, il était question d'ouvrir un projet de boulangerie bio sur le site de l'usine et en fait de rapatrier le plus possible sur ce site, eh bien, le plus possible d'activités coopératives autogestionnaires. On peut voir les choses aussi du côté micro, individuel. Les travailleurs sont devenus ouvriers, managers, propriétaires d'usage, mais à partir de l'usine, ils participent aussi à la vie militante et culturelle de la ville. Je conclurai rapidement ce premier moment, et j'ai pas vu... Il te reste... Ben, je vais pas parler beaucoup du deuxième. 6-7 minutes. Très bien. Je conclurai rapidement ce premier moment, disant un truc beaucoup plus général à partir, vous voyez, de choses assez micro. Contrairement au modèle du socialisme utopique d'Owen ou du modèle du phalanstère de Fourier, l'idée ici, c'est pas du tout de remplacer la ville ou l'État par une grande fabrique ou une grande entreprise qui internaliserait la nouvelle division sociale du travail. J'ai écrit ça. Bon, la sagesse populaire des ouvriers est plutôt du côté de Marx ici. La division. Extraordinaire. J'avais la grippe cette semaine. La division du travail dans l'entreprise et dans la société ne peuvent être la même. Mais ça, bon, ça ressortait quand même. C'est-à-dire, il n'y a absolument pas l'idée qu'on va, contrairement aux dispensaires sociaux autogérés dont je ne parlerai pas en haut, on ne va pas remplacer l'État. On ne va pas remplacer, par exemple, l'hôpital, hein, ce qui est un peu l'idée des dispensaires sociaux autogérés. Par contre, on va essayer de changer les rapports sociaux à partir de l'entreprise, en faisant autant que possible de cette transformation l'activité même des travailleurs. Et évidemment un argument assez général, mais c'est quelque chose qui ressortait notamment de ces réunions autour de la production. Les trois questions les plus importantes, les plus stratégiques, hein, c'est comment inventer de nouveaux rapports entre ce qu'on produit, donc économique et politique, comment changer subséquemment le procès de production et comment décloisonner les rapports entre intérieur et extérieur de l'entreprise. Alors, comment je vais faire entre ma conclusion et les dispensaires sociaux? Comme j'ai déjà insisté sur les arguments généraux, je vais dire deux, trois mots sur les dispensaires sociaux à partir autogérés, à partir toujours de ces trois questions. Alors, il y a aujourd'hui 50 dispensaires sociaux autogérés en Grèce qui se sont constitués depuis 2009 pour pallier les déficits du système public hospitalier qui a été démantelé par maintenant plus de 5 ans de politique de pure d'austérité imposée par la Troïka. Il y a à peu près 1000, c'est un truc assez important, hein, 1000 bénévoles à peu près, 50 000 consultations depuis quelques années. C'est quelque chose d'assez important. Il y a deux missions, deux objets, et c'est là-dessus que je vais insister, enfin, c'est ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre la suite. D'abord, procurer des soins médicaux gratuits, hein, à toutes les personnes privées de couverture sociale, un grand nombre des Grecs aujourd'hui. Mais ensuite aussi, militer pour un système de santé publique de qualité, accessible à tous, pour le respect des droits du patient, y compris, donc c'est dans la charte de ces dispensaires sociaux, avec lobbying institutionnel, manifestations, occupation de locaux. Alors, le rapport aux politiques, vous voyez, il est évidemment central, il est assez complexe, je vais juste vous dire l'argument général. L'argument général est le suivant: l'État ne fait plus son travail, nous n'avons pas confiance dans les ONG et dans l'Église, hein, qui sont soit corrompues, soit débordées, mais nous ne pouvons pas non plus reconstituer, nous n'allons pas nous reconstituer un système public hospitalier, puisque nous militons aussi pour que effectivement l'État prenne ça en charge. Et donc le discours, mais aussi les pratiques, hein, sont assez compliqués. C'est-à-dire, à la fois, par exemple, ils redistribuent une grande partie des médicaments directement aux hôpitaux. La solidarité permet, eh bien, de pallier le manque d'argent dans les hôpitaux. Et en même temps, eh bien, les médecins de l'hôpital renvoient un grand nombre de leurs patients vers ces dispensaires sociaux autogérés. Okay. Et donc, vous voyez, il y a ici quelque chose d'assez paradoxal du point de vue du rapport aux politiques, mais qui rejoint mon argument. La revendication d'être autonome, hein, de ne pas recevoir d'argent de l'État ni de l'Union européenne, par exemple, etc., eh bien, signifie essentiellement le refus de désencastrer la politique des pratiques économiques. C'est directement par la pratique économique que nous allons pallier ce problème politique. Nous refusons de prendre la place de l'État, mais par contre, nous sommes, comme ils me l'ont dit quelquefois, nous sommes plus puissants que l'État. La solidarité est plus puissante que l'État. Il n'y a pas d'argent. Nous, on arrive à avoir tous les médicaments, y compris ce que je leur amenais là. D'ailleurs, c'est des pratiques complètement illégales, généralisées. Je ramenais de la morphine. Plein de gens ramènent de partout des choses. C'est complètement illégal. Mais ils nous disent, bah, les médecins, ils sont bien contents et ils n'ont pas d'autres possibilités que nous pour rien courir. Alors, deuxième question la question du procès de production. Pareil, mon argument selon lequel, dans ces expériences autogestionnaires de ce type, hein, là, évidemment, la question de l'autogestion, elle est moins évidente, d'ailleurs. Certains l'utilisent, ce terme, d'autres pas, dans les dispensaires sociaux. Je vais prendre juste un exemple qui était très intéressant. Donc, cette question du procès de production et de destinataire du travail est sans cesse rediscutée, hein, sans cesse fait l'état, sans cesse, l'objet sans cesse d'une discussion collective. En l'occurrence, depuis quelques mois, hein, quasiment la moitié des médicaments et de l'activité des dispensaires sociaux est envoyée aux réfugiés, notamment à Idoménie. Et ça a fait l'objet d'une discussion assez importante, assez consensuel aussi, tout le monde était d'accord, mais dans le détail, il y avait des choses très, très, très intéressantes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils avaient clairement conscience qu'ils ont un rôle politique assez important, qu'on les regarde, et donc si tous souhaitaient donner la plupart de ces médicaments qui ne sont pas donnés pour les réfugiés au début, par les gens qui le donnent aux réfugiés, eh bien ils étaient conscients que les conséquences politiques à long terme de cette réorientation pourrait être potentiellement dangereuse. On a eu une assez longue discussion, et c'est aussi sur les sites, disant, est-ce que, en organisant nous la réorientation de ces médicaments vers les réfugiés, nous n'allons pas alimenter le discours de l'extrême droite qui met les pauvres Grecs et les réfugiés en compétition. Vous voyez, là, on est plutôt du côté... Mais cette réflexion, elle a lieu tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était en train de changer complètement l'organisation même, en fait, du travail des dispensaires sociaux. Ils étaient en train d'organiser des camionnettes pour partir vers Idoménie, de se brancher sur une nouvelle plateforme numérique de la solidarité, non plus avec les hôpitaux, mais avec l'association grecque qui s'occupe de l'aide aux réfugiés, etc. Oui, simplement, l'idée, la question de destinataire et du produit et du procès de production est sans cesse en discussion. Et dernier argument, les dispensaires, donc le rapport entre dispensaires, associations ou réseaux solidaires et sociétés. Encore plus évidemment que pour Viomé, l'enjeu principal de ces réseaux de dispensaires, c'est de construire un réseau intermédiaire, pas seulement le réseau des dispensaires eux-mêmes, mais un réseau intermédiaire de solidarité nationale et internationale qui excède largement l'unité de production, ou les unités de production, mais qui sont centrées sur elles, et qui doivent, et c'est ça qui est intéressant, permettre de les aider à résoudre des problèmes que les dispensaires ne peuvent pas résoudre eux-mêmes. Par exemple, là, tous les problèmes politiques de rapport avec les partis ou les campagnes internationales en Europe, qui sont toujours assez proches de Syriza, alors qu'eux sont massivement hostiles maintenant au gouvernement, tous ces problèmes-là sont externalisés à ce réseau externe. De même, les questions juridiques. Donc là, il y a quelque chose un peu... Les questions juridiques, bon, c'est complètement illégal ce qu'ils font, y compris de donner des médicaments comme ça. Les questions juridiques, c'est le réseau international et le réseau national qui s'en occupent, et ça ne peut pas... Donc ils ont décidé qu'il était hors de question de s'occuper de ça. Autre type de questionnement aussi, quelle est la liste des pathologies qu'on va pouvoir prendre en charge ? Il faut évidemment quelque chose qui soit commun à tous les dispensaires, sinon c'est quelque chose d'ingérable en réalité, puisqu'il y a des gens maintenant qui viennent à Athènes depuis les îles pour être traités pour des cancers, des choses qui ne peuvent pas être pris en charge ailleurs. Mais il faut arriver à résoudre un certain nombre de problèmes techniques, juridiques et politiques, et ce réseau international est très important à cet égard. Je reviens rapidement pour conclure à l'argument général de mon livre. À mon sens, on arrive avec cet tâtonnement, c'est vraiment du bricolage, je disais, c'est pas le même monde, c'est vraiment du bricolage complet. On n'est pas du tout dans le modèle, on est, semble-t-il, assez loin du modèle de la lutte des classes. Vous voyez, il y a du lobbying institutionnel, il y a des occupations, etc. Mais il n'y a pas le projet central de transformer l'État, un peu parce que l'État, on n'a plus confiance, on n'en attend rien, et de toute façon, il n'est pas là. Et en même temps, on n'est pas non plus dans un modèle simple d'extension de la coopération simplement à partir d'une réorganisation du travail, puisque précisément il y a toute une réflexion et toute une organisation qui est faite pour arriver eh bien, à faire entrer à l'intérieur de l'activité, hein, donc on est plutôt du côté d'une politisation de l'activité, faire entrer dans l'activité des objectifs qui sont d'habitude les objectifs de pratique politique. Et sans essayer de qualifier exactement ce à quoi j'ai eu affaire là avec ces pratiques autogestionnaires, on est très clairement dans un modèle qui échappe en tout cas à cette alternative classique du socialisme entre modèle lutte des classes et modèle de la coopération. Ok. Merci Alexis, merci vous deux, Maxime et Alexis. Donc, ben, je vous propose de prendre 10 minutes de discussion parce que là on a un peu 5 minutes de pause. Si on ne peut pas amputer la deuxième partie. À vous. Bon, j'ai une petite question. Et c'était par rapport à comment ces nouvelles formes de coopération que vous avez bien décrites sont influencées même par les changements qu'on trouve dans la division du travail contemporain et en particulier dans la mise en discussion de la division du travail intellectuel et du travail manuel. Et l'autre question, c'est que cette expérience de coopération sont toujours, si on veut, en face à la difficulté du rapport avec les marchés. Et donc, voilà, ça se voit très bien, par exemple, dans l'expérience de Biomé, parce que je sais qu'ils ont eu plein de problèmes pour vendre leurs produits. Et bon, en fait, c'est très bien de approfondir un peu ces points-là. On peut prendre plusieurs questions, justement, et puis vous répondrez tous les deux. Ça se passe à vous deux. Une question. Oui, Stéphane. Rapide, qui s'adresse à vous deux. Ce qui est frappant et qui est commun à vos deux exposés, c'est que ces gens ont improvisé ces formes sociales, ces bricolages, comme tu l'as dit, Alexis, dans des conditions de crise extrême, c'est-à-dire de menaces pour la survie de l'entreprise et de crise sociale généralisée pour la Grèce. Donc il y a une question sociologique générale qui se pose. Est-ce qu'on peut imaginer que des formes semblables à celles-ci, aussi inventives, aussi intéressantes, aussi prometteuses et aussi limitées, hein, puissent se constituer, disons, dans une sérénité économique relative? Ou est-ce que, à votre avis, c'est vraiment des réactions improvisées à des situations limites, quoi, qui, de fait, ce serait, comment dire, borné par ces situations, quoi, dans leur extension possible. Moi, pour prolonger juste à la différence de Stéphane, je vois plutôt les. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, on a bien senti cette communauté du fait de la situation de crise. Mais en même temps, ce sont deux expériences qui semblent pas avoir grand-chose à voir, tant les conditions initiales, les expériences ouvrières, la culture, à chaque fois ouvrière, d'être différentes. D'un côté, on a un projet industriel fondé sur une expertise syndicale très forte. De l'autre côté, on a un projet social qui est lié dans un contexte de mobilisation de société qui n'a pas grand-chose à voir avec Corbeil-Essonne. Donc, entre le projet industriel, d'un côté, et le projet social qui se dessine progressivement, on a l'impression qu'il y a une divergence assez frappante. On est à deux pôles, finalement, assez distincts des plans de coopératives. Oui, Mathieu. De même, dans Maxime a insisté sur l'importance de la loi ESS, sur l'importance d'associations, c'est la CGESCOP, en fait, qui apporte de l'expertise et des modèles coopératifs. Et à l'inverse, j'ai eu le sentiment, en écoutant Alexis, mais c'est peut-être une fausse impression, qu'il n'y avait pas du tout ce savoir-faire ou cette expertise extérieure. Quoi. Oui, c'était plutôt... J'ai une curiosité par rapport à tout ce que vous avez dit. J'ai eu l'occasion d'écouter Alexandre Roig, je ne sais pas si tu connais dernièrement, c'est un sociologue argentin qui a bossé longtemps sur les usines européennes. Alexandre, comment tu dis? Roig. Il y en a beaucoup de monde qui a travaillé sur ça. Je vais un petit peu avec Bruno Théré et Marie Curin. Et lui, il disait, depuis quelques années désormais, surtout dernièrement, les usines reprises et les scopes en Argentine sont en train de s'intéresser de plus en plus au monde complémentaire, au crédit mutuel, parce qu'ils voient justement dans l'anticipation monétaire, dans le financement de l'investissement, dans l'accès au crédit, des outils indispensables pour contrer ou pour alléger un petit peu voilà, les pressions du marché, les pressions de la concurrence. Et donc voilà, je me demandais si tu savais, comme tu as bossé un petit peu sur l'Argentine, on était tous invités, préciser ou dire quelque chose là-dessus, si tu avais vu voilà, le même type de préoccupation ou d'urgence aussi ici en France. Et voilà, Alexis aussi, vite fait, comme tu as parlé aussi de l'exigence, de l'importance, de la finalité de la production, là à nouveau, la fonction de crédit de la monnaie joue un rôle déterminant en ce qui concerne ce que l'on produit, par qui, en but de quelle finalité, etc. Et surtout aussi, s'il ne faisait jamais allusion à ça, comme une des dernières allusions que tu as fait, c'était la tentative, la volonté de regrouper autour de Guillaumet. Et bon, là, si la question justement du circuit monétaire pour soutenir, pour créer des liens, pour les renforcer, était présente ou pas du tout. Vous pouvez répondre en finant toutes les questions. J'ai une question moi aussi pour Alexis. Oui. Je trouve que ce modèle un peu d'aide, on a l'impression que cette entreprise elle vit quand même un peu sous grâce à l'aide de cette association en fait. Et du coup, moi ça me vient à me demander dans quelle mesure en fait cette association ne prend pas un peu le pas sur les décisions des travailleurs. Et parce que c'est un peu ce qui tu laisses entendre, sans peut-être forcément le formuler de cette manière-là, parce que tu as aussi pris l'exemple de la Fabrique du Sud, où ça pose des questions importantes. Du coup, je sais pas, ça me suscite une interrogation sur les dynamiques politiques en fait dans ces entreprises-là. C'est-à-dire, est-ce que ça vient véritablement, est-ce que l'émancipation des travailleurs est-elle l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ou tu dis qu'il y a les Argentins qui sont venus, ça sera hyper intéressant de reconstituer cette espèce de circulation des répertoires militants qui est quand même assez improbable entre. Parce que Zanon, l'usine, pour ceux qui ne connaissent pas quand même la situation argentine, c'est une usine qui est située en Patagonie argentine. Donc entre la Patagonie argentine et Thessalonique, il y a quand même quelques dizaines. Mais ils viennent partout en Europe. Certes, grâce à des réseaux trotskistes. Ouais. Ah oui, on a tendance à les oublier, mais des réseaux trotskistes, hein, parce que les personnes dont tu me parles, c'est des gens qui sont venus à Aulnay quand Aulnay a fermé, avec le dirigeant, en les incitant à reprendre Aulnay quand même. Bon, je pense que ça aurait été intéressant de voir ça, parce qu'il y aura des décalages culturels peut-être un peu importants, mais du coup, cette question-là, je trouve que ça a une incidence forcément sur la construction politique, sur cette forme de politisation. Et quelle incidence peut-être un peu négative aussi, quoi. Bon, donc c'est Alexis qui répond d'abord. Ok, alors je vais prendre certaines des questions, puis finir par la tienne. Alors, les changements dans la division du travail intellectuel manuel, bon, il y a la chose très frappante qui est que effectivement dans le petit local à l'entrée, tout le monde se retrouve et tout le monde prend les décisions ensemble, et notamment tous les jours avec cette assemblée-là, c'était essentiellement des ouvriers manutentionnaires, c'est des gens, voilà, les deux qui sont les figures un peu comme ça, c'est des gros moustachus très très populaires, et qui s'occupent, y compris maintenant, de la gestion de l'entreprise, du projet stratégique avec tout le monde. Il y a quelque chose d'assez évident là, qui est très frappant. Mais, étrangement, dans le discours en tout cas, c'est pas du tout ce dont ils sont le plus fiers. Avec une forme de modestie aussi un peu, en disant, bon, on a été obligé de le faire, mais par contre, on est surtout fiers de nos produits, viens les voir. L'organisation elle-même, on fait comme on peut, on se débrouille, c'est nous qui prenons les décisions. Mais c'est pas quelque chose, ça m'a frappé aussi, qui mettent beaucoup en avant. En fait. Ensuite, sur le rapport au marché, bon, qui permet de répondre un petit peu aussi déjà à ta question. Pour démarrer, ça a été entièrement appuyé sur. Donc, ils voulaient pas, et en même temps aussi à la tienne, ils voulaient pas de banque, du tout. Là, pareil, pas de banque du tout, on n'en veut pas, c'est pas possible, on va finir en prison. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de ce type en Grèce aujourd'hui. Voilà. En plus, ils étaient avec un arrêté d'expulsion, une banque ensuite, c'était hors de question. Donc au début, ils ont vraiment commencé avec 10 000 euros, ils m'ont dit, pour commencer l'activité. Quel est leur modèle économique? Ils produisent beaucoup, très très peu cher, et en vendant essentiellement aux réseaux autour, qui sont d'abord des clients. qui font partie de l'association. Mais cette association est pas une vraie association, en fait. C'est-à-dire, c'est un réseau. D'accord, mais qui sont les clients de l'usine? Enfin, c'est-à-dire qu'ils commandent... Tu vois, je veux en venir. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui sont en France, il y a aussi des gens qui sont à Athènes. C'est pas du tout une association constituée. Hein. D'accord, là, c'est un petit groupe autour. Il y a une mailing list, c'est ça, d'accord, l'association. Ah, ok, c'est pas au sens un peu formel de... Voilà, de même qu'il n'y a aucune structure juridique qui existe en Grèce, donc c'est aussi la réponse. Hein. Mm. Ça n'existe pas, le status quo. En même temps, eux, c'est vraiment leur... Ils me l'ont dit, hein. La SCOP, c'est l'ennemi absolu. Donc vous, on vous connaît en France, votre truc, c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut faire. On en a parlé avec nos amis en France, ils sont d'accord avec nous. Avec les réseaux trotskistes. Avec l'idée, en gros, bon, que d'une part, c'est pas un vrai projet autogestionnaire quand il y a 49% permis, enfin que ces statuts donnent 49% possible de propriété aux gens qui ne sont pas les travailleurs. Et puis, encore une fois, il y a ce contexte d'hostilité à l'égard de l'État et des institutions assez fort, qui n'est pas du tout construit. Hein. C'était encore une fois des gens qui étaient au PASOK sans problème il y a 20 ans. Mais eux, leur expérience là, et aussi celle des dispensaires, c'est que si on fait ce qu'on fait, c'est parce que l'État n'existe plus ou fait mal son boulot, donc on ne va quand même pas aller leur demander quoi que ce soit. Mais donc le modèle économique, il existe. Hein. Ils vivent maintenant, il n'y a pas de dons. Ils vivent de ce qu'ils vendent. Et là, ils sont revenus à peu près au salaire qu'ils avaient initialement. Donc, c'est pas si mal. Mais pour ça, ils sont obligés de faire quelque chose d'assez curieux, qui est de produire énormément et de vendre très peu cher. C'est courant en même temps, comme stratégie économique. Ouais, mais ils sont 15. Donc, c'est aussi un peu bizarre, quoi. Ouais. Quand on t'appuie sur la qualité. Ouais. Alors, après, sur la question bricolage. Dans un moment de crise extrême, et en même temps, sur la remarque de Christian, moi, je défendrais plutôt, du point de vue de mon livre, qu'il serait souhaitable qu'on puisse voir ce genre d'expérience en dehors de moments historiques de crise comme ça. Évidemment, là, si on regarde les endroits où ça se développe, ce genre d'expérience qui ressemble un peu, Argentine, Italie, il y a des choses aussi que je connais assez peu et donc, qui sont peu connues dans les Balkans, Grèce. Il est évident que c'est dans des moments où il y a au moins un déficit. Mais un déficit de quoi? Moi, je dirais de l'État, en fait. Du point de vue vraiment de ça, c'est très très lié à la crise de l'État. La crise économique, pas forcément. Il peut y avoir une liquidation d'usine ou un abandon d'usine par le propriétaire sans crise économique globale. Par contre, des structures étatiques remises en question ou déficitaires, ça paraît assez central dans ce genre d'expérience. Sur les monnaies complémentaires, moi, je t'en dirai un peu plus, ils en discutent. Alors en plus, une des expériences principales, j'ai oublié le nom de ce village où il y a la principale expérience de monnaie complémentaire parallèle en Grèce, c'est pas très loin. Donc ils connaissent, ça les intéresse, et ils ont parlé un peu. Mais pour eux, c'était quelque chose qui leur paraissait bon, potentiellement assez lointain quand même comme perspective, très compliqué. Et je pense qu'ils m'auraient répondu, ça c'est si vraiment ça réussit très très bien notre histoire, mais ça les intéressait. Je pourrais te donner 2-3 autres infos. Et sur cette question, mon rapport intérieur-extérieur de l'entreprise qui prend les décisions, on pourrait voir les choses de ce type, effectivement... les travailleurs sont dépossédés d'une on pourrait voir ça hein, comme une dépossession d'une partie de la participation ou de la décision. Mais d'une part, eux, ils en étaient très fiers, d'un point de vue un peu phénoménologique, comme ça, c'est pas du tout quelque chose qui était subi. Mmh. Et ensuite, moi, je trouve ça au contraire très intéressant. C'est-à-dire, il y a à la fois l'exigence que toutes les décisions se prennent à partir du travail et en tant qu'on travaille. Et en même temps, peut-être, hein, c'est ça d'un point de vue théorique qu'on pourrait en faire, une remise en question de ce que c'est que le travail, le concept de travail. Hein. Pour eux, le décloisonnement tellement grand entre l'unité de production, et, enfin, l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise, fait qu'en réalité, il y a un travail commun à différentes échelles. Et eux sont très très demandeurs en réalité. Bon, il y a un discours en disant ils vont pas choisir tout, on cloisonne, il y a des choses dont on parle à l'intérieur de l'entreprise. Mais c'est un modèle, me semble-t-il, assez intéressant, que je défendrais plutôt, en fait. Et eux aussi. Non, justement. C'est pas ouvriériste au sens où c'est l'unité de production qui devient vraiment le lieu où tout se passe. Mais il y a des formes de décloisonnement, d'invention, de coopération transverse que je trouve intéressant. Maxime. Très peu de mots, hein, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Sur la question de la division du travail manuel, travail intellectuel, en fait, là, j'ai l'impression que c'est plutôt une continuité que l'émergence, en fait. C'est des choses qu'en fait... C'est ça, en fait. Grâce au travail sur archives que j'ai pu faire, et grâce aux archives dont j'ai disposé, surtout, en fait, le travail... Il y a une porosité très, très forte entre travail intellectuel et travail manuel. Historiquement et culturellement, en fait, au sein de ce groupe ouvrier. Il n'y a jamais eu, ou très peu, en fait, de frontières, et c'est ce qui leur a permis, mais y compris d'un point de vue subjectif. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est qu'on est vraiment dans des modèles complètement opposés, des ouvriers dominés qui sont en chaîne, etc. Là, on est vraiment dans un modèle qui rompt complètement avec cette image-là, avec, j'ai peut-être utilisé des termes un peu galvaudés, mais de conscience de classe assez fort, de classe peut-être plus le terme de conscience qui est intéressant que de classe, parce qu'ils ne se représentent pas forcément, et conscience corporatiste, plus que de classe, en fait. C'est-à-dire qu'une question très très forte, de ses capacités certes techniques, manuelles, ce qui leur permet de légitimer les phénomènes de grève, etc., mais aussi il n'y a pas de frontières qui existent entre la capacité de projection dans des discussions économiques au niveau national ou international, ou de devoir bricoler une rotative qui est en panne, quoi, en fin de compte. Alors, c'est peut-être un peu caricatural, c'est peut-être un peu schématique, mais en tout cas, mais même, y compris au sein de la base, j'ai eu des discussions avec des gens qui ne sont pas forcément très élevés dans la hiérarchie syndicale. On a affaire vraiment quand même à un groupe ouvrier extrêmement conscientisé, quoi. Donc cette question-là, elle n'apparaît pas avec la SCOP, c'est vraiment la prolongation d'un groupe ouvrier déjà constitué. Pour la question de Stéphane sur la création l'apparition de ces expériences au détriment ou à la faveur de la crise, là, c'est des cas particuliers, en tout cas pour la France. Il faut savoir que la reprise d'entreprise, c'est minoritaire dans la création des SCOP en France. Ça représente une dizaine de pourcents des créations de SCOP. Donc il faut pas avoir un regard biaisé sur le mouvement SCOP à partir de ce modèle-là. C'est-à-dire que ce sont des modèles assez particuliers, et ce modèle-là, au sein des reprises d'entreprise, est très particulier par l'histoire qu'elle suppose. Mais ceci étant dit, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est beau être particulière, elle renvoie quand même à une histoire ouvrière qu'on a très vite un peu enterrée, à des pratiques, à des cultures, à des savoirs que on sait un peu aussi, légitimement aussi, objectivement, il y a des choses qui se sont perdues. Mais là, on assiste quand même à des retraductions qui sont, je trouve, assez intéressantes. C'est là où je te rejoins, sous la force des choses, hein, faut pas se mentir, parce que on aurait dit à ces imprimeurs il y a 15 ans, vous allez faire une coopérative, ils auraient tous rigolé. Non, ça va pas ou quoi. Nous devenir tauliers, c'est jamais de la vie, quoi. Donc sous la force des choses, il y a des choses qui apparaissent ou qui se retraduisent. Et qui peuvent être révélateurs de choses peut-être un peu plus larges au niveau, parce que, juste pour la petite anecdote, ce matin j'étais à un colloque à Dauphine, et il y avait une dame de CECAFI qui m'expliquait que la CGT, ils étudient 3000 cas par an de reprise d'entreprise ou de programmes, de dispositifs pour lutter contre les restructurations et les fermetures. Et elle me disait que la CGT était de très loin le syndicat qui proposait le plus d'alternatives au projet de licenciement ou de restructuration, mais de très loin, en comparaison de syndicats réformistes, etc. Et donc j'étais très étonné, et donc elle abondait dans le sens, en fait, d'une croyance collective très forte, mais y compris au sein de la CGT, d'être un syndicat essentiellement de contestation, alors que la réalité est complètement différente. Et je pense que ça serait très intéressant d'explorer cette dimension alternative, en fait, de la CGT. Bon, ben merci. On s'arrête 5 minutes, pas trop longtemps, parce que sinon on va avoir besoin d'un peu de temps pour les deux autres exposés. Juste une petite pause. Merci en tout cas à vous deux. Je voulais te demander, je ne sais pas si tu l'as répondu, mais pourquoi la première année, en fait, il n'y a pas de formation à la coopérative? C'était ça aussi ma question. Parce que... des raisons de confondre leur temps sur la relance de l'activité, en fait.